Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Guy Frégo et l'histoire de la Nouvelle-France. Toute son œuvre est pénétrée du sentiment d'urgence qui lui vient de son interprétation catastrophique de la conquête, à laquelle il va consacrer son dernier grand livre, La guerre de conquête. Avant la conquête, la civilisation de la Nouvelle-France était libre et équilibrée. Après la conquête, victime d'une rivalité entre deux empires, elle est décapitée. Mais au moment où il rédige la guerre de la conquête, ce qu'il veut faire ressortir, c'est que l'histoire n'est pas un réservoir de forces vivifiantes, c'est un poids. Et dès ce moment-là, il va parler du poids de l'histoire dans toutes ses œuvres subséquentes. Oui. Dans son dernier article, c'est la dernière phrase, d'ailleurs. Oui. Quel poids que notre histoire. Le sociologue Jean Lamarre et juste avant lui le philosophe Georges Leroux à l'émission Passage en décembre 1994, Guy Frégo compte assurément parmi les quelques historiens québécois qui ont marqué le plus profondément et le plus durablement notre manière de voir et de comprendre notre histoire. Historien et spécialiste de la Nouvelle-France, Guy Frégo va aussi participer à la construction du Québec moderne au début des années 60 à titre de sous-ministre de ce qui est à l'époque le tout nouveau ministère des Affaires culturelles. Le prix a été attribué à l'historien Guy Frégo pour son ouvrage « Le 18e siècle canadien, études » paru aux éditions HMH. Je crois que le jury, à l'unanimité, a reconnu la grande valeur de l'ouvrage de Guy Frégo. Il a semblé à chacun d'entre nous qu'on y apprenait beaucoup, que des problèmes très importants avaient été cernés, que des points de vue nouveaux étaient apportés. Je relis la dernière phrase de la préface de Guy Frégo. Je crois que le pari, en quelque sorte, proposé par l'auteur, a été tenu. Les situations dans lesquelles s'agitent les Québécois du 20e siècle, que disent les hommes de notre temps, se composent pour une part, il s'agit de reconnaître, d'éléments familiers et obscurs à leurs devanciers du 18e. Mieux voir leur époque, c'est sans doute avoir chance de considérer la nôtre avec un peu plus de lucidité. Henri Kefelec, le président du jury du prix France-Québec en mai 1969, pour nous présenter le parcours, l'œuvre également de Guy Frégo. Je reçois le professeur d'histoire à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Oui, bonjour. Guy Frégo, Éric Bédard, fait partie de cette poignée d'historiens qui ont marqué l'écriture de notre histoire nationale. Vous le considérez d'ailleurs comme un modèle, Éric. Pourquoi? Je le considère comme un modèle parce que d'abord, c'est un historien extrêmement rigoureux qui a travaillé à partir des sources, des archives, qui a participé à ce grand mouvement de professionnalisation du métier d'historien. C'est aussi un immense écrivain pour moi, j'allais dire même un styliste. Mm-hmm. C'est un homme qui a une très belle élégance dans son écriture, qui a une vision totale de l'histoire totale, qui voulait tout embrasser, tout comprendre. C'est un auteur qui a du souffle, qui a une hauteur de vue. Écoutez, c'est en écoutant votre émission consacrée à André Bello, de M. Benoît Bélançon, qu'il m'est venu l'idée de vous proposer de nous attarder sur Guy Frégo, parce que c'est vraiment pour moi un modèle. Oui. Oui. Parlons un petit peu plus de sa vision, cette vision nette et précise de l'histoire qu'il a, du rôle de l'histoire et de l'historien dans une société aussi. Vous parliez d'histoire totale, ça fait partie de cette vision. Comment résumer la vision qu'a Guy Frégo de l'histoire? D'abord, comme le disait Kefelec, qui lui a remis un prix pour son véritable dernier ouvrage, contrairement à ce que dit Georges Leroux auparavant, ce n'est pas la guerre de la conquête en 1955, mais c'est bien ce recueil d'études qu'il publie en 1968. Alors, c'est quelqu'un qui est travaillé par justement cette idée que l'histoire porte en elle les germes de ce que devient une société. Ces structures lourdes, ces atavismes, ces démons aussi, il y a en effet un poids de l'histoire. L'histoire n'est pas qu'une série d'anecdotes, elle n'est pas qu'un récit événementiel pour nous dire ceci ou cela s'est passé. L'histoire peut nous donner un certain nombre de leçons, Et dans le cas de Guy Frégaux, évidemment, c'était les leçons d'une société plutôt normale qui se développait à l'époque de la Nouvelle-France et dont le développement avait été dramatiquement interrompu par une guerre, la guerre de la conquête, comme il l'a appelée lui-même, qui était en fait une guerre mondiale, la guerre de 7 ans, mais dans le cas de l'Amérique du Nord, une guerre de conquête d'un peuple sur un autre. Oui. Et pour Guy Frégaux, cet événement avait été déterminant. Rupture qui va marquer le destin, tout ce que va devenir ce peuple par la suite. C'est un peu ça l'idée. Parlons un petit peu de son parcours, le parcours de Guy Frégaux. Il naît en 1918. Parlons un petit peu du milieu auquel il appartient et de ce qui, petit à petit, Éric Bédard, va le conduire à s'intéresser à l'histoire. Une véritable biographie de Guy Frégaux resterait à écrire. On en a un pan important qui nous a été raconté par le sociologue Jean Lamarre, qu'on a entendu dans un extrait que vous avez présenté. Son enfance et sa jeunesse est assez peu connue. On sait qu'il est issu d'un milieu ouvrier, qu'il est Montréalais de naissance, qu'il vient du quartier d'Hochelaga. Et donc, son talent, son ascension comme historien, comme grand historien du pays, il le doit à son talent, à son ardeur au travail, à sa discipline de faire. Il va fréquenter le collège Saint-Laurent, ensuite le collège Brébeuf, s'inscrire à la faculté des lettres de l'Université de Montréal. Et à 19 ans, il est remarqué par quelques professeurs de cette université, puisqu'il va publier ses premiers articles, hein, ses jeunes 19 ans, dans la revue L'Action nationale, ainsi que dans la revue La Relève. Guy Frégaux est un peu un enfant de la crise des années 30. Il a des intérêts, il a des goûts littéraires. Il s'intéresse à un certain nombre d'auteurs français qui sont marqués par cette grande crise économique, mais aussi civilisationnelle dans l'esprit de Guy Frégaux, oui, des années 30. Il est tout à fait, il est proche de ces courants de jeunes qui considère qu'il y a que les aînés sont responsables de ce marasme, de cette crise économique et sociale. Il rejette donc le fatalisme et la résignation des aînés et le cynisme petit bourgeois qu'il décèle chez les élites québécoises, canadiennes, françaises, mais aussi occidentales. C'est aussi, il appartient aussi à cette jeunesse qui est à la recherche d'une troisième voie, oui, cette troisième voie très particulière, qui est du camp des personnalistes chrétiens. Et justement, cette troisième voie qui vise davantage une révolution spirituelle qu'une révolution politique ou sociale, elle cherche une voie mitoyenne entre un libéralisme sauvage, le libéralisme tel qu'il existait encore à l'époque, durant les années 30, où on s'en remet aux lois du marché pour réguler le fonctionnement des sociétés, et d'un côté, donc, le libre marché, l'économie, la logique de l'intérêt, et de l'autre côté, un État tout-puissant qui veut tout régir, tout contrôler. C'est l'État totalitaire des nazis ou des communistes en Union soviétique. Et donc, cette troisième voie, c'est celle d'une révolution spirituelle, c'est celle d'une révolution des mentalités où, finalement, les grands préceptes du Nouveau Testament, de l'Église, seraient davantage vécus au quotidien, ceux du partage, ceux de l'entraide, ceux des communautés de proximité, de la famille. Mais on se méfie de l'Église. Cette génération se méfie d'une Église, justement, qui est trop embourbée dans ses habitudes, dans son cléricalisme. Et donc, encore là, fidèle à ses personnalistes des années 30, il mise beaucoup plus sur les laïcs pour assurer cette révolution spirituelle qu'il appelle de tous ses voeux. Oui. Et quand il étudie donc au Québec, parmi certains de ses professeurs marquants, on peut penser à Émile Chartier, à Lionel Groulx, mais c'est à Chicago, Éric Bédard, que Guy Frégaux complète ses études doctorales. Pourquoi Chicago? Parce qu'à ce moment-là, il commence ses études en 1940, c'est la guerre. Alors, Émile Chartier le voyait comme un futur spécialiste de la Grèce, un helléniste, et il voulait donc l'envoyer à l'École normale supérieure de Paris, très, très prestigieuse institution française. D'ailleurs, Guy Frégaud était très francophile lui-même, très tourné vers la France par rapport à ses lectures et ses influences intellectuelles. Mais là, avec la guerre, avec l'occupation de l'Allemagne, ce projet-là est mis de côté. Oui. Donc, Lionel Groulx, qui l'avait lui aussi repéré, alors l'incite à aller faire son doctorat, mais donc aux États-Unis, à Chicago plus précisément, à l'université Loyola, donc une université tenue par des jésuites. Et il y a là un père, le père Jean Delanglais, qui est un spécialiste de la Nouvelle-France, spécialiste de Louis Joliet. Et donc, c'est le père Delanglais qui va accueillir Guy Frégaud. Guy Frégaud qui va décider de consacrer sa thèse de doctorat à tout un personnage, au corsaire Pierre Lemoine d'Iberville. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en général, aujourd'hui, une thèse, on a à l'esprit environ 5 ans, mais à l'époque, c'était plus 3 ans. Or, Guy Frégaud va terminer sa thèse en 18 mois. C'est quand même incroyable. C'est un rythme d'enfer. Ses recherches en archives, l'écriture, la soutenance, tout ça en 18 mois. Oui. Et il revient donc au Québec comme l'un des tout premiers, hein, il ne faut pas l'oublier, tout premier docteur en histoire. Et donc, évidemment, il n'est pas question de le laisser aller. À l'époque, il n'y a pas de concours, il y a très peu de docteurs en histoire. Donc, le chanoine Groulx l'avait pressenti pour lui succéder. Oui. Parce qu'il a en tête de créer un institut d'histoire à l'Université de Montréal, le chanoine Groulx, et une revue spécialisée, la revue d'histoire d'Amérique française, qui existe toujours, et il espérait que Guy Frégaud puisse prendre la relève et puisse assurer l'enseignement à l'Université de Montréal. Alors, parlons-en de l'influence qu'aura le chanoine Groulx dont on parle depuis quelques minutes. C'est une figure importante dans la pensée et dans le parcours de Guy Frégaud. On en parle ensemble plus longuement dans un instant, Éric Bédard. Mais on écoute d'abord, justement, Guy Frégaud parler de l'abbé Groulx à l'émission L'Histoire comme ils l'ont faite en 1967. L'abbé Groulx a toujours été l'auteur et le tenant d'une histoire de caractère fondamentalement scientifique. Ce qui rend une histoire scientifique, ce qui lui donne son caractère scientifique, c'est qu'elle répond d'une façon logique, beaucoup plus que plausible, enfin qu'elle répond d'une façon vraiment logique, avec des preuves, à des questions. L'abbé Groulx pratique l'histoire depuis 1915. En un demi-siècle et plus, bien entendu, une science évolue. Ce qu'il y a de remarquable chez l'abbé Groulx, c'est qu'il s'est toujours tenu au courant, et de très près, de l'évolution de la discipline qu'il a pratiquée. Devant les générations futures, bien, je pense que l'abbé Groulx laissera l'image d'un excellent historien, d'un historien qui aura marqué profondément la discipline qu'il aura pratiquée. Je crois que l'œuvre de l'abbé Groulx est destinée à vieillir, comme l'œuvre de ceux qui l'ont suivi, comme l'œuvre de ceux qui nous suivront. Alors, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Que dire, Éric Bédard, du rapport, du lien qui va unir Guy Frégaud avec Lionel Groulx? Alors, c'est intéressant. Ce que j'admire chez Frégaud, c'est que c'est un héritier libre, mais en même temps qui n'est pas ingrat, qui ne veut pas tourner le dos à son maître. D'ailleurs, il va lui dédier son dernier livre, Lionel Groulx, tel qu'en lui-même. C'est une longue méditation sur les mémoires du chanoine Groulx qu'il va publier. C'est un livre qui va être publié après son décès en 1977. Alors, Guy Frégaud, oui, il s'inscrit dans une tradition historiographique qui a commencé avec Garneau, mais qui se poursuit avec Groulx. C'est celle de l'histoire d'un peuple qui veut assurer sa survie et son développement, et qui s'inscrit dans une forme, oui, de fierté, hein, on pourrait dire d'un certain nationalisme. Il se décrivait lui-même comme un nationaliste canadien-français, Guy Frégaud. Alors, donc, il appartient à une école de pensée, qu'on va dire néo-nationaliste, celle de l'École de Montréal, qui considère que la conquête est un événement déterminant. École qui faisait face à une autre école, celle de Laval, qui considérait que s'il y avait infériorité économique des Canadiens-Français, c'était de la faute essentiellement de l'Église et des élites bourgeoises, des élites traditionnalistes. Alors que Frégo, lui, croit que c'est la conquête qui est le facteur déterminant, sauf que là où il se distingue un peu de Groux, donc là-dessus, il suit les pas de Groux et respecte son travail, mais il n'a peut-être pas cette vision aussi optimiste qu'a Groux du relèvement de la nation par l'action des grands personnages volontaires dans l'histoire. Frégo est plus proche de la vision de son collègue Maurice Séguin, qui est plus structuraliste, qui croit que finalement, peut-être que les dés sont un peu joués en 1760. Il a cette phrase très forte dans son livre sur la conquête en 1760, et qui, Frégo, nous étions défaits, c'est-à-dire brisés, désorbités et désaxés. La conquête n'a rien créé chez nous, elle a défait. Elle a défait quelque chose. C'est comme c'est comme un fruit qui aurait été arraché avant d'être parfaitement mûr de son arbre. Une pomme qui aurait été arrachée du pommier avant qu'elle soit complètement mûre. C'est un peu cette image qu'il avait, même s'il poursuivait cette tradition néo-nationaliste avec d'autres, évidemment. Oui. Il sera donc l'une des voix importantes en histoire. D'ailleurs, ça commence vite, juste un petit mot pour le préciser, mais quand il revient à Montréal, après ses études à Chicago, déjà, il s'impose rapidement comme l'un des historiens québécois qui compte. On peut peut-être déjà même parler, Éric Bédard, à ce moment-là, dans les années 40, d'un âge d'or ou d'un premier âge d'or de Frégo. Publication importante. Non, mais ça là-dessus, ça donne le vertige à n'importe quel jeune historien. Guy Frégo, à peu près à l'âge de 40 ans, avait déjà écrit l'essentiel de son œuvre. Il va publier en 44, évidemment, sa thèse Pierre Lemoine d'Iberville, mais aussi un livre sur la civilisation en Nouvelle-France, un ouvrage un peu de synthèse, mais qui va être quand même très marquant. Il va accéder à l'Académie canadienne-française à 26 ans. Il va ensuite publier un gros livre sur l'intendant François Bigot en 1948, un premier tome sur le gouverneur Vaudreuil en 1952, et son grand classique sur l'histoire de la conquête en 1955. Donc, tout ça est publié. Il n'a même pas 40 ans. Il a tout publié, donc ses œuvres les plus marquantes, les plus majeures. Il passe ses étés dans les archives avec sa femme. Il sillonne l'Amérique du Nord avec sa femme Liliane Irinfray, qui est plus qu'une assistante. C'est une alter ego. Il l'a rencontrée sur les bancs d'université. Elle l'aide beaucoup dans son travail, comme les femmes de plusieurs universitaires de cette génération. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il va tout laisser là, alors qu'il est au sommet, il va tout laisser tomber pour devenir sous-ministre, oui. Le premier sous-ministre aux affaires culturelles en 1961. Oui, et de fait, il va être donc ce premier sous-ministre des affaires culturelles en 61 sous le gouvernement Lesage. Il y sera de 61 à 66, et il sera aussi en poste sous le gouvernement Bourassa, de Robert Bourassa, de 1970 à 1975. Pourquoi il se lance dans cette aventure-là? Quels objectifs se fixe Guy Frégo quand il accepte de devenir sous-ministre de la culture? Ben, écoutez, c'est probablement les mêmes motivations qui vont pousser un Georges-Émile Lapalme à fonder le ministère des Affaires culturelles, c'est-à-dire que pour un Lapalme, le fait marquant de la Révolution tranquille doit être la culture, renforcer le statut de notre langue, développer les institutions culturelles d'un véritable État fédéré ou d'un véritable même pays, la nation canadienne-française à l'époque. Donc, revamper le Musée du Québec, réformer le Conservatoire de musique, créer l'Office de la langue française, créer des liens aussi avec le gouvernement français. Guy Frégo était, comme Georges-Émile Lapalme, son patron, celui qui l'avait embauché, qui avait d'ailleurs vérifié à ce que Frégo soit un homme au-dessus des partis, n'était pas partisan dans son approche, c'était que, justement, il y avait une pauvreté culturelle du Canada français à laquelle il fallait absolument remédier. Oui. Et on espérait que la Révolution tranquille, avec son État, avec cette puissance publique, puisse faire sortir le Québec de cette espèce de torpeur culturelle qui était pressentie, qui était sentie par beaucoup des membres de l'élite de l'époque. Mais il va en ressortir aigri de cette aventure dans l'administration, dans la haute administration, comme sous-ministre, parce qu'il y a ces objectifs nobles dont vous venez de nous parler, ce désir de participer à la construction du Québec moderne à cette époque où l'État québécois se dote justement d'un appareil qui corresponde à cette modernité-là, mais les moyens sont très, très limités. Il va écrire un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Chronique des années perdues en 76, c'est tout dire ». On va revenir sur ce livre-là, sur son constat, mais d'abord, pour vous donner un avant-goût de cette amertume qui va l'habiter, sur le peu de moyens dont il va disposer, on écoute Guy Frégaud à l'émission « Des livres et des hommes » en mars 1977. J'ai choisi ces années 61-66 parce que ce sont des années de l'invention. On a inventé un ministère des Affaires culturelles. On aurait pu inventer quelque chose de plus important, quelque chose de plus considérable, mais ça, c'était de l'ordre des moyens. Oui, les moyens étant très restreints. Les moyens étant très restreints, j'en ai fait le calcul au cours des 5 premières années. Le total global des crédits attribués au ministère des Affaires culturelles a été de 23 millions. En 5 ans. En 5 ans. Mais c'était du même ordre que les crédits qui sont attribués actuellement au ministère des Affaires culturelles. J'ai fait récemment un calcul dans lequel je vois que depuis 10 ans, l'État du Québec a dépensé 51 milliards. Et là-dessus, il a dépensé un peu plus de 220 millions pour les affaires culturelles, soit 0,44%. C'est-à-dire qu'à globalement, chaque fois que l'État du Québec a dépensé en moyenne, en 10 ans, 100 $, il a mis 44 sous pour la culture. Pour la culture. Guy Frégaud à l'émission « Des livres et des hommes » en mars 77, au moment, juste après en fait, qu'il ait publié « Chronique des années perdues ». C'est cruel, au fond, ce qu'on vient d'entendre, Éric Bédard, parce que vous le disiez, il quitte une brillante carrière universitaire en se disant « Je veux faire une différence, je veux participer à cette révolution tranquille, à cette modernisation de l'État », mais on ne lui donne pas de moyens. Exactement. On ne lui donne pas de moyens. On entend les mêmes jérémiades dans les mémoires de Georges-Émile Lapalme, dans le troisième volume de ses mémoires. Et donc, Chronique des années perdues, ça ressemble un peu à ce que raconte aussi Lapalme dans ses mémoires, c'est-à-dire on sent que, oui, on a créé certains ministres de mauvaise foi, appelaient ça la bébelle à Lapalme, l'affaire de Lapalme, mais que finalement, on ne met pas les moyens. Frégaud raconte les déboires, les difficultés qu'il avait d'embaucher du personnel, les blocages au Conseil du Trésor. Bref, c'est extrêmement frustrant pour lui et pour ceux qui, comme lui, avaient de très grandes aspirations culturelles durant cette révolution tranquille. Alors, Chronique des années perdues, justement, le titre dit tout. C'est un bilan, c'est une déception, c'est une frustration, c'est de l'amertume qui transpire de ces pages, même si elles sont, comme tous ses livres, magnifiquement écrites, très inspirantes, très belles. Et il va donc consacrer les derniers mois de sa vie à écrire cette longue méditation sur les mémoires du chanoine Grou, publiée posthume au début des années 70. Et ça va donner son dernier très beau livre, très personnel, Lionel Grou, tel qu'en lui-même, qui va être publié chez Lemayac un an après sa mort. Éric Bédard, c'était un plaisir, comme toujours, de vous recevoir, de vous entendre aujourd'hui nous parler de Guy Frégaud. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à la TELUC, ami de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.